gros, gros terre. J't'aime à ton postérieur, j'veux le même en peau, poster. Si on se tue, j'compte pas les balles qui se perdent. La vie c'est chelou, j'la baise, y'a pas de mystère. Ego, j'deviens méchant, pas de jasmine pour Jaffa. J'suis comme le pas de mon bâtiment, j'ai tous les jours le cafard. Mes yeux clairs regardent l'enfer, l'enfer, l'enfer. J'croyais que t'étais droit, mais en fait, en fait, en fait. J'fais pomper traction, j'ai tri à Vegeta. Les pecs à l'Eonita, c'est ta bitch se met des doigts. Et j'pente et j'pente, et j'fais un gros smiley. Et j'vais tous les rapates si j'vends mon cœur en taille TR. J'ai trop traîné en baba. J't'enferme mignon pour papa. Tu testes ton sort le baba. J'comprends pas pourquoi on comprend pas. Si je me trompe, la la. J'pose ma mif avant qu'on pose ma tombe. Kala, kala, kala, kala. Ce chemin étroit et sombre me séduit. L'impression qui soigne mon cœur de Iti. Couvert d'oseille, ego, j'suis sous calmant. De la haine en revanche, j'en ai tellement. Et j'comprends pas pourquoi on comprend pas, pas. T'es seul dans le noir, j'espère que ton ombre ne t'a pas lâché. Et il croit savoir pourquoi on en bat. J'irai pas le premier, ni le dernier. QRGF, c'est qui crève à part. J'm'endors sous alcool vers Zadar. J'vends la drogue, c'est pas un hasard. J'prends mes thunes, j'rentre à la casa. J't'aime à la lune, les péchés m'entêtent. Les anges me parlent, mais moi j'entends pas. J'suis dans ma bulle, j'suis baisé, j'm'embête. Et j'comprends pas pourquoi j'comprends pas. Ouah ouah, ouah ouah, ouah ouah. J'ai trop traîné en baba. Ouah.